vous souhaite un très bel après-midi. Il est 13h30, voici Histoire vivante. Histoire vivante, en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. Aujourd'hui, croire, faire croire. Premier épisode, relecture des événements. Avec nos historiens Carmen Bernand et Bernard Lavallée. Je m'appelle Carmen Bernand. J'ai commencé à faire de l'ethnologie en Amérique latine. J'ai vécu 25 ans en Argentine. Et donc, je m'étais beaucoup intéressée aux sociétés indiennes, aux rituels, bon, des choses, des thèmes tout à fait typiques. Et j'ai poursuivi en France et je suis devenue enseignante, professeure par la suite. Et c'est un tout petit peu parce que les gens se référaient à des temps anciens que je me suis intéressée aux archives, d'abord pour les indigènes, et puis d'une façon générale par les archives historiques et tout petit peu cette histoire de l'Amérique latine, des métissages que l'on peut suivre à travers ces documents. Pour le dire d'un mot et faire tout de suite comprendre ou sentir à ceux qui nous écoutent, au fond, il y avait un certain nombre de représentations, comme c'est souvent le cas, de clichés, de cartes postales, et il fallait un peu rebattre ces cartes postales et leur redonner, disons, une autre couleur, d'autres dimensions. Au fond, que ce soit le point de vue sur les Indiens, sur les Espagnols, sur ces guerres, sur etc., etc., un certain nombre de clichés étaient au rendez-vous, et là, il fallait se mettre au travail. Ce travail-là, vous l'effectuez à peu près à quelle période ? Écoutez, j'ai commencé très jeune, quand j'étais étudiante en licence à Buenos Aires, et j'ai eu l'idée de partir avec deux autres amis au Pérou en machine à vapeur. Bon, ça prenait 10 jours. Avec tout l'argent que nous avions gagné à travailler pendant un an, on est arrivé vraiment pauvrement. Et là, ça a été la découverte, parce que notre idée était tout de même que, puisqu'on étudiait l'anthropologie, qu'il fallait sortir de Buenos Aires et voir des choses américaines. Et on a été servi parce qu'on a rencontré des gens, des photographes, et on a été les premières à faire un travail d'enquête sur une bataille rituelle de pierre qui avait lieu tous les ans à 5000 mètres d'altitude dans des endroits, je vous dis pas, à l'époque j'étais très jeune et ça m'était indifférent de monter et de marcher, mais tout de même c'était assez dur. C'était entre deux villages et il faut qu'il y ait un mort pour que la terre soit abreuvée. Ce mort, à quoi sert-il ? Alors, il sert à donner à la terre sa fertilité. C'est comme un sacrifice humain. Et donc, on en a vu un d'assez près, de même trop près. Et ensuite, on nous a dit, il faut que vous partiez parce qu'après, il y a un vol de femmes. Donc, on prend les femmes du groupe contraire, on les emmène, bon, et puis bon, elles ont des enfants, etc. Donc ça, c'était trop peut-être. C'était trop. On est retourné plusieurs années. Et donc là, ça a été le début de toute cette histoire qui s'est poursuivie en France. Parce que je suis, pour des raisons diverses, je suis venue ici en France où j'ai fait une première thèse avec Lévi-Strauss. Évidemment. Tout ça s'est poursuivi. Ensuite, à cette époque, il fallait faire une deuxième thèse. Manque de chance, je suis mal tombée. Et je suis partie en Équateur. Et là aussi, une expérience très intéressante. Et ce n'est que un peu plus tard que je suis venue à l'histoire. Parce que il y avait des tas d'informations très curieuses. Par exemple, en Équateur, des chamans qui vous parlait des remuements, des bile, des trucs de la médecine de Galien, venus avec quel prêtre, à quelle époque, pour eux, c'était eux qui l'avaient inventé, évidemment. Et donc ça m'a fasciné de retrouver chez des gens qui sont des analphabètes, des paysans, et à l'époque, vraiment vivant dans des conditions assez difficiles, commentaires sur le système hippocratique que eux considéraient comme indigène et qui devait venir d'une époque plus ancienne où des prêtres ou autres leur ont appris ça. Et donc, je suis allée dans les archives, et là, c'est encore une autre chose. On peut prendre des archives de deux façons. Ou bien on s'ennuie à mourir et on s'en va, ou bien on les prend comme un roman policier, parce que vous tirez des fils et il y a des choses qui sortent, et des voix anciennes qui reviennent, et ça m'a aussi beaucoup enthousiasmée. Et de fil en aiguille, on est arrivé avec mon ami Serge Grusinski à écrire cette histoire du Nouveau Monde sur la conquête d'abord, et puis sur les métissages. Donc une version espagnole avec les conquistadores, suivie d'un deuxième tome, une version métisse et indienne de ces faits. Pour les premiers habitants du Nouveau Monde, l'irruption des Européens a des conséquences dramatiques sur le plan démographique. Les guerres et le travail forcé, mais plus encore les maladies comme la rougeole et la variole, ont exterminé en quelques années les 9 dixièmes de la population. Celle-ci était estimée à 80 millions d'âmes en 1492 et moins de 10 millions quelques courtes décennies plus tard. Dès les années 1510, les rois catholiques appellent Juan Rodriguez de Francesca pour analyser les problèmes de la colonisation depuis Christophe Colomb. Le Conseil des Indes est officiellement fondé en 1524 par Charles Quint, et c'est à la suite d'une recommandation du Conseil des Indes que Charles Quint prend son décret abolissant officiellement l'esclavage en 1526 et établissant privation de biens et de fonctions pour quiconque s'y livrerait. Le témoignage de Bartolomé de las Casas lors de la controverse de Valladolid montrera par la suite qu'à des milliers de kilomètres du pouvoir, ce décret est resté lettre morte. Est-ce que ces premières données, Bernard Lavallée, sont d'une part justes et nous permettent peut-être de fixer un peu premier cadre général? Les informations que vous nous donnez sont effectivement justes. Le simple bémol que l'on pourrait donner, c'est que ce sont des décisions prises en Espagne dans le milieu du pouvoir, c'est-à-dire du souverain, et restait à savoir comment ces décisions seraient appliquées sur place en Amérique. Et bien entendu, comme on pouvait s'y attendre d'ailleurs, toutes ces décisions ont été appliquées, mais toujours avec des exceptions, des atermoiements. Par exemple, vous avez parlé de la suppression de l'esclavage, effectivement, mais il a été précisé quelque temps après que les Indiens prient les armes à la main, c'est-à-dire rebelles, entre guillemets, bien entendu, seraient exclus de cette interdiction et que eux pourraient être réduits en esclavage. Bon, vous voyez, cet exemple, on pourrait en donner d'autres, montre bien la distance parfois énorme qu'il y avait entre les intentions et les décisions de la couronne en Espagne et leur application sur le terrain en Amérique. Quelle menace pouvait planer sur les Espagnols qui ne respecteraient pas les lois et le décret? La non-application des règles et des lois, des cédules, comme on disait à l'époque, en Amérique, dépendait tout simplement des liens que les colons qui n'appliquaient pas ces lois pouvaient avoir avec le pouvoir en place en Amérique. Cette collusion d'intérêts et donc de pouvoir entre les colons, les premiers colons et les premiers fonctionnaires étaient souvent très grandes. Et par conséquent, disons-le, la non-application des décisions royales donnait assez peu l'occasion de sanctions importantes, d'autant plus que les fonctionnaires qui eux-mêmes étaient partie prenante dans cette non-application étaient ceux qui étaient chargés d'appliquer ces sanctions. Vous écrivez, Carmen Bernand, comment les techniques de domination, de conversion, de dissuasion et de violence durent-elles être adaptées pour réduire l'altérité initiale? Comment furent-elles modifiées à la suite de cet affrontement? Comment sont-elles venues à bout de ces résistances ou au contraire, comment se sont-elles retournées contre ceux-là même qui s'acharnait à les appliquer. Voilà quelques questions qui nous indiquent qu'il va falloir repenser les catégories mentales que nous pouvons encore avoir à l'esprit, notamment concernant cette conquête du nouveau monde. Par où commencer ? Est-ce qu'il faut regarder les conquérants, les conquis, la manière d'eux ? On vous laisse être notre guide. Moi, je suis descendante d'Espagnols. Je les connais assez bien. Des gens qui c'était des sans-papiers républicains, transplantés. Et donc, à chaque fois que j'entendais parler des conquistadores, mais quelque chose qui me chiffonnait, parce qu'on appliquait des schémas très rigides et on oubliait, c'est pas pour les défendre, mais quand on est historien, il faut quand même se mettre dans le contexte. On oubliait que c'était des gens qui venaient du Moyen-Âge, certains, de la fin du Moyen-Âge en Espagne, et que leur mentalité n'était pas tellement éloignée de celle des indigènes. Et donc, c'est à partir de là que nous avons travaillé sur les conquistadores. Et donc, il y a des choses tout à fait fantastiques sur les mentalités. C'est des gens d'abord qui ont vécu le combat avec les morts. Certes, ils étaient chrétiens, mais un catholicisme un peu sui generis, avec des vierges, des miracles, des personnages charismatiques, tout ce que vous voulez. Et donc, ça, c'était d'abord le premier groupe de conquistadores qui nous a beaucoup fascinés à cause de l'étrangeté de leur mentalité, avec cette idée que, certes, ils pillaient, n'ont pas été payés par la couronne espagnole. C'était comme les pillards de l'époque, comme il y a eu en Europe. Donc, on se servait avec le butin. C'était des freelances. Après, une fois qu'ils avaient pacifié, la couronne a mis le grappin dessus, si on peut dire. Et donc, les choses ont changé. Eux, ils se sont toujours plaints et bon, ils ont été terminés. Mais c'était une entreprise très particulière. Et ensuite, sont venus, ou presque avec eux, les accompagnants, les ordres religieux. Et donc, ces religieux devaient lutter contre ces idolâtries. Mais en même temps, c'était des gens extrêmement intelligents et compétents. Ils voyaient bien que, bon, ce n'est pas en prêchant le catéchisme comme ça que les gens allaient se convertir. Et il y a eu un phénomène passionnant de traduction. M'est arrivé du reste, justement, puisque nous sommes dans une radio suisse, de travailler sur un manuscrit qui se trouve à Genève, qui est un catéchisme dessiné par des Indiens mexicains. Il n'y a pas de texte, il n'y a que des images. Et là, quand vous regardez les images, et c'est dans la Fondation Bodmer qui a ce document, vous voyez bien que, par exemple, Jésus, il est représenté de plusieurs façons, il y a plusieurs images de Jésus, avec certains attributs qui sont tout de même des choses aztèques. Quand il n'a plus de cheveux parce qu'il est mort, et donc ça, il a perdu sa force vitale. Et quand il va chercher les morts des païens dans les enfers, ça fait tout de suite quelque chose d'important pour les indigènes qui font ce dessin, parce que celui qui descend chercher les os des morts, c'était Quetzalcoatl, le dieu Quetzalcoatl. Et donc, les prêtres ont laissé, ils n'ont pas imposé. On est dans une religion de l'image, très différente de conversions qui se sont faites par l'Église réformée. Comment comprendre qu'il n'ait pas cherché, ces prêtres, à imposer ? Qu'est-ce que ça nous dit de ce qu'ils sont, du groupe éventuel auquel ils appartiennent, au-delà du groupe religieux ? Ou quelle est, de ce point de vue-là, la distance qui peut les séparer, eux, ces prêtres, individuellement, de, j'allais dire, la maison mère, c'est-à-dire l'Église avec tout son cortège de censure et d'ordre ? La grande intelligence de ces prêtres a été de créer des modèles d'identification. Parce que ça ne sert à rien de réprimer. Il y a eu des répressions, plus au Pérou qu'au Mexique. Et puis dans certains coins, parce que le poids indigène était très fort, ils étaient aussi catholiques, alors tout le monde a accepté. Bon, donc, identification, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, dès le début, l'Église a fait ses spectacles théâtraux qui étaient très importants en Espagne, avec les Corpus Christi et autres fêtes, que ces spectacles impliquent des déguisements, des masques, les gens prennent des rôles différents, impliquent la musique. Et les indigènes, ils ont appris la musique occidentale à jouer très bien, avec parfois des dissonances parce que les gammes étaient différentes, mais qui étaient très bien, mais on acceptait ces dissonances. Et donc, ils ont accepté les chants, ils ont trouvé ça très beau. Et là, je pense que personne ne peut apprendre le violon si on le fouette, ou on l'apprend, ou on l'apprend pas. C'est trop difficile. C'est une musique quand même polyphonique. C'est pas simple. Hein. Et donc, ces fêtes ont été, me semble-t-il, le corps de la colonisation. Elles existent encore de nos jours. Et les choses ont commencé à se gâter quand, vers le milieu du XVIIIe siècle, on a estimé que toutes ces fêtes coûtaient beaucoup d'argent, que tout ça était un peu superstitieux sous l'emprise des Lumières. Les jésuites ont été expulsés, et il fallait que les Indiens gardent leur argent, qu'ils épargnent, bon, ce genre de propos. Et les gens ont été, n'ont pas supporté, ils ont été tout de même très affectés. Et au Mexique, ils n'ont pas accepté les curés séculiers, ils ont pris eux-mêmes l'initiative de s'occuper de l'Église, des Vierges, des saints. Et donc, tout ça a marché assez bien. La preuve, c'est que le pape vient d'Amérique latine, donc il y a quand même ce fond. Alors, je pense également que de toutes les religions, ça peut-être que ça, c'est blasphématoire, mais je ne le dis pas dans cet esprit, que de toutes les religions monothéistes, justement, à cause des images et des saints et des vierges qui sont différentes, qui ont des noms, cette religion catholique a pu être acceptée. Parce que c'est plus difficile de dire il n'y a pas d'image, il y a un Dieu unique. Tout ça, c'est des concepts qui nous semblent évidents aujourd'hui, parce que c'est un héritage, mais c'est difficile. Carmen Bernand, historienne, au micro de Jean Leclerc. Une question, Carmen Bernand. Qui sont ces prêtres? Sont-ils tous espagnols? Qu'est-ce qui fait que certains partent, d'autres pas? Est-ce que ce sont, pour le dire autrement, des volontaires? Ou est-ce qu'on les envoie parfois aussi malgré eux? Est-ce qu'il y a un petit peu un cocktail de tout ça? Il y a un cocktail de tout ça. Il y a beaucoup d'Espagnols, des Italiens, il y a des Flamands. Bon, des gens qui appartiennent à l'Empire espagnol, en fait. Il y a des Portugais, bien entendu. Et ce sont surtout, je pense, aux jésuites, parce que les jésuites sont un peu internationaux. Il y a aussi des Français qui vont. Et donc, c'est une organisation qui ne dépend pas de la couronne espagnole. Et alors, justement, on parlait tout à l'heure comment ils ont pu entrer dedans. Il y a des documents qui sont très amusants et très intéressants parce que, bon, les jésuites arrivent en Colombie, les langues sont infernales, même eux, ils ont du mal, et ils voient très bien la force des chamans, des guérisseurs. Et donc, eux se mettent à guérir aussi, avec des images de Saint Ignace et des objets magiques. Et donc, il y a là une sorte de surenchère de guérisseurs, et donc, ils vont entrer dans ce système. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Au même moment où, en Chine, des jésuites aussi ne font pas du chamanisme, mais, par exemple, expliquent le système copernicien. Donc, vous voyez, on s'adapte aux situations. Bernard Lavallée, peut-on revenir en quelques mots sur ce que vous indiquez comme étant la faiblesse de l'Empire espagnol, doit-on comprendre qu'il n'y a au fond que l'Empire, alors, ne dispose pas de suffisamment de fonctionnaires sur place pour faire marcher la machine, et que par ailleurs, comme pour tout empire antérieur et on le sait également extérieur, l'extension même de l'empire représente son premier talon d'Achille. Les deux éléments dont vous venez de parler sont évidemment fondamentaux. Il n'y a pas assez de fonctionnaires. L'empire est géographiquement trop important, mais il y a un autre élément qui va être fondamental, c'est la corruption, c'est-à-dire la collusion d'intérêts entre la plupart, faut pas dire tous, la plupart des fonctionnaires et, disons, ceux qui constituaient la nouvelle aristocratie américaine, c'est-à-dire les titulaires d'encomiendas, les propriétaires de mines, les propriétaires d'ateliers textiles, les marchands, etc. Donc, effectivement, il y a une situation pendant ce XVIe siècle, elle va durer longtemps encore, assez complexe, c'est-à-dire que, sur le plan des principes, la couronne affirme, exige, décide. Sur le terrain, les choses sont beaucoup plus complexes et le pouvoir de l'État est en fait beaucoup plus affadi qu'on ne le pourrait le croire. Ce qui permet d'ailleurs sans doute de corriger l'image que l'on a de cette Espagne-là du XVIe siècle. Diriez-vous, au travers de votre carrière à vous, Bernard Lavallée, d'historien, que l'historiographie a permis de faire progresser en quelques années cette représentation de l'Espagne du XVIe? Il est évident que l'historiographie de l'Espagne et de l'Amérique a fait énormément progresser notre connaissance sur, d'une façon générale, sur l'histoire de l'Empire américain, mais encore plus peut-être sur les premières années. Et en particulier, la réflexion sur l'État en tant que tel, qui n'est pas une réflexion proprement américaniste, qui a une histoire bien connue en Europe, a permis de comprendre comment les choses se sont passées et surtout, de tempérer ce que l'on savait jusqu'à présent, à savoir ce jeu complexe entre les puissances locales et la puissance publique en Espagne, c'est-à-dire la couronne, et finalement, disons-le, une sorte d'accord tacite entre les aristocraties locales et la couronne, l'accord tacite étant, vous pouvez à peu près faire ce que vous voulez sur place, dans une certaine limite bien sûr, à condition que vous ne remettiez pas en cause l'existence et les droits de la couronne sur la colonie. Il n'y a aucun doute, Carmen Bernand, dans les expéditions, les bateaux qui traversent l'Atlantique pour aller, disons, d'Europe, Espagne, mais pas seulement, en direction de l'Amérique latine, cette Amérique du Sud, il y a peu de femmes. Les femmes, elles seront sur le continent. Oui. Alors, qu'est-ce que nous donne cette rencontre-là? On sait quand même que quand il y a de l'amour, mais surtout du sexe, ça fait quelques embrouilles, pour le dire avec un mot moderne. Oui et non, il y a plusieurs cas de figure. Ça nous rassure. Dans certains cas, les femmes avaient un intérêt à ces unions. Parce que elles échappaient à toutes ces contraintes culturelles. Il faut se marier avec un tel. Il y a des contraintes que les gens qui étudient l'ethnologie savent, les systèmes de parenté, les obligations, etc. Et donc des formes d'émancipation. Ça a été, oui, et ça je l'ai soutenu devant une assemblée de féministes. Je suis sortie indemne parce que elles sont entrées alors dans les transactions métisses avec, c'était elles qui géraient l'argent. Et donc, on a des exemples qui sont très intéressants. Alors, d'autres, non, mais celles qui étaient des concubines d'un conquistador puissant, elles étaient très bien. Elles vivaient très bien. Elles ont acquis un pouvoir. Et ben, j'ai beaucoup travaillé sur justement un métis qui s'appelle l'Inca Garcilaso de la Vega, qui est un homme né d'une union d'un conquistador de lignage important, mais lui il était d'une branche tertiaire, c'est pour ça qu'il était en Amérique, et d'une princesse Inca. Il naît une dizaine d'années après la conquête. Il vit 20 ans à Cusco Il assiste, enfant, à toutes ces guerres civiles, j'en passe parce que c'est intéressant de suivre son histoire. Son père, avant de mourir, il voit qu'il est intelligent, il l'envoie en Espagne. Il n'a pas beaucoup de culture, mais sans doute déjà, parce que son père avait remarqué son intelligence, il va en Estrémadour. Il a des vagues parents qui le protègent. Il a une idée absurde, apparemment. Pour se faire la main à l'écriture, il traduit un texte d'un juif qui est à l'index de l'Inquisition, Léon l'Hébreu, dialogue d'amour, un mélange de Platon et de la Kabbale judaïque. Cette traduction reste jusqu'à présent reconnue même par des spécialistes de ce philosophe israélien, la meilleure. Et une fois qu'il s'est fait la main, il écrit les livres les mieux écrits de toute l'histoire coloniale, des livres du siècle d'or, de la prose, la qualité de la prose. Alors il écrit une histoire des Incas, qui est toujours citée, puis il écrit l'histoire des Espagnols, qu'il a connue par son père. Il écrit également l'histoire de la Floride, de la conquête de la Floride, parce qu'il avait un vieux conquistador, ami de son père, qui lui raconte en Espagne, avant de mourir, vous savez comme c'est, bon, personne âgée, toute seule, il raconte à Garcilaso toutes ses aventures. Ce sont des textes qui sont toujours étudiés comme des classiques. Redonnez-nous son nom. Inca Garcilaso, o Garcilaso, si on veut le prononcer à l'espagnol, de la Vega. Est-ce que ces textes ont été traduits en français ? Ils ont été traduits en français. Il a eu beaucoup de succès, Marmontel. Et il y a eu aussi des représentations théâtrales parce que lui présente les Incas comme des gens dotés d'une sagesse extraordinaire. D'après moi, bon, parce que j'ai écrit ce livre sur lui, il a fait une transposition de quelques éléments hébreux pour construire, reconstruire ses souvenirs, comme le temple du soleil, c'est le temple de Salomon, bon, il y a d'autres choses. Il dédie son œuvre au roi des prophètes, c'est-à-dire Moïse. Bon, il y a des choses comme ça qui sont troublantes. À partir de lui, parce que justement on a ses œuvres, heureusement, et à partir de lui, on voit la complexité des choses. On peut pas dire tout simplement, bon, c'est une conquête, il y a les méchants et les gentils, tout ça c'est quand même un tout petit peu primaire, disons. Il faut aller au-delà. Et donc lui, il arrive à réhabiliter les Incas et d'une certaine façon à réhabiliter les Espagnols. Et ça, il a du courage parce que tous ces Pizarro et autres, la couronne n'en veut plus. Ils sont maintenant à l'index politique. Et c'est du politiquement incorrect, et lui les défend. Et donc, vous voyez, le personnage est d'une épaisseur fantastique. Notre épisode était aujourd'hui intitulé « Relecture des événements » avec nos historiens Carmen Bernand et Bernard Laval. Demain, la suite avec un nouvel épisode intitulé « Rendez-vous à Valladolid ». Cette thématique est réalisée par Christian Morero. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, avec la collaboration d'Isabelle Barthes, Christian Morero, Corinne Rocha, Daniel Zacquière, Valérie Dantan, ainsi que l'unité documentaire TV de la RTS. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.